Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « Pourquoi manquons-nous de volonté? » Je suis Annie Poisson, écrivain. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique. Bonsoir, je suis Michel Lassette, policier et homme d'affaires. Bonsoir, je suis là. Là, LRS? Ah, non, non, là. Le titre, il y a deux sens au titre, je veux savoir lequel tu entends. Pourquoi l'homme n'a pas de volonté, n'a pas du tout ou en n'a pas assez? Parce que n'en a pas assez. C'est pas moi qui l'ai choisi. Non, ben, je veux m'entendre avant de commencer parce que moi je dis que l'homme a de la volonté, mais si en commençant. Ah, il n'y a pas de volonté, mais il est manipulable. Non, l'homme n'a pas de volonté. Pas du tout. Pas du tout. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Exact. Oui, mais avant, là, il faut savoir c'est quoi de la volonté. Oui. Mais ce que lui veut avoir comme volonté, c'est de la volonté. L'homme n'en a pas. Puis ce que François veut avoir comme volonté, c'est de la volonté. L'homme n'en a pas non plus. Puis ce que l'humain veut avoir comme volonté, ou ce que l'humain, en pédagogie malsaine, se sert pour dire, écoute, tu devrais avoir plus de volonté, ça ne marche pas non plus parce que l'homme n'a pas de volonté. La volonté, c'est la capacité de bouger quelque chose, la capacité d'action, la capacité d'agir, la capacité de décider. Ça, ça l'homme jamais. Bien, depuis le début de l'humanité, il s'en est fait des actions. Donc, l'homme a quand même fait des choses. Bien, là, je ne m'en rappelle plus exactement, mais ça fait quand même pas mal de millénaires. Si on regarde toutes les, tout ce qu'il y a eu dans les spiritualités, les maîtres, les gourous qui arrivaient à faire des choses quand même assez incroyables. Là, il y avait de la volonté. Tous ceux qui ont réussi. Incroyable, s'ils le faisaient. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Tous ceux qui ont pu s'établir une discipline, ça prend de la volonté. Bon, pourquoi ils se sont établis une discipline? Ben, toi, tu vas dire c'est parce qu'il n'y avait pas de volonté. J'ai pas eu besoin. c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de discipline. La discipline, c'est quoi sinon la programmation? Et la programmation, c'est autre chose que de la volonté. Oui, mais c'est quand même accomplir des choses. Non. C'est être l'instrument d'eux. Quand tu visses une vis avec un tournevis, le tournevis n'accomplit rien. Oui, mais il y a quelqu'un qui visse. Oui. Quelqu'un qui fait une action volontaire. C'est ça, il y a quelqu'un qui visse là. Mais la volonté, est-ce que c'est l'action ou c'est ce qui va amener à l'action? Non, la volonté, c'est avoir de la volonté. Donc, tu décides que tu veux cesser de fumer, alors tu cesses de fumer, voilà. Ça marche pas. Ben pour dire t'as que... pas de volonté. Tu décides que tu manges bien pour ta santé, mais ça fonctionne pas. T'as pas de volonté. Tu décides que tu te couches et que tu dors. Ça fonctionne pas. T'as pas de volonté. Tu décides carrément que tu montes te coucher et que tu éteins la télévision. Puis là, ça dépend. Il y en a qui sont capables, ils éteignent la télévision, ils montent dans leur chambre, ils allument celle qui est dans la chambre. Quand est-ce que l'humain a de la volonté? Oui, mais là, ben, dans tous ceux qui peuvent faire ça, ceux qui décident d'arrêter de fumer et qui arrêtent. Effectivement, quand tu as fait mes plats, tu l'éteins. Mais Daniel, je t'arrête là, parce que tous les exemples que tu as donnés, c'est... dans l'explication précédente. C'est toutes les explications que tu as données, les exemples, c'était dans des cas où l'homme n'a pas de volonté, mais ça, c'est dans les cas où ça ne réussit pas, mais dans le cas où ça réussit, il y a de la volonté. Et moi, j'ai arrêté de fumer quand j'avais 16 ans. Puis j'ai fumé, puis à un moment donné, j'ai dit j'arrête de fumer avant que je sois plus capable d'arrêter de fumer, parce que je voyais tous les adultes qui n'étaient pas capables. J'ai arrêté. Puis dans ma vie, présentement, je suis capable de faire des choses de façon, parce que moi je dis volontaire, au moins régulière. Je fais mon entraînement physique, je suis régulier comme une horloge. Une horloge, c'est volontaire. Régulier comme une horloge. Dans ce que je veux faire, parce que je suis régulier dans, par exemple, mon jogging, je dis, bon, tant de fois par semaine, je fais mon jogging, puis je m'en tiens à ça. Ouais. Alors, j'arrive à quelque chose. OK, il y a des fois que j'arrive pas à autre chose. Je pourrais donner une liste longue de ce que je suis pas capable de réaliser, mais dans ce que je réalise, il y a de la volonté. Comment peut-il continuer à vivre dans l'illusion qu'il a de la volonté, alors que c'est exactement... Vous savez que c'est humain, c'est typiquement humain. Comment faites-vous pour continuer à croire aux astrologues? Ah, parce qu'une fois, elle a eu raison. Bon, génial. Mais les milliers de fois qu'elle a eu tort, on l'oublie parce qu'une fois, elle a eu raison. Lance les dés dans les airs, laisse-les tomber, puis ils vont avoir raison. Non, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Là. C'est la même chose. Lui, ce qu'il nous dit simplement, c'est que de rare temps en temps, ça a l'air à fonctionner, donc j'en ai. Mais s'il a de la volonté, il va faire tout ce qu'il veut faire. Tu en as ou tu n'en as pas. Parce que si tu en as une journée, puis le lendemain, tu n'en as pas, c'est que tu ne décides même pas quand tu en as, donc c'est pas ta volonté. Mais non, tu peux en avoir un peu. Mais si tu en as 50 %. C'est pas un peu. Tu manges presque comme il faut, mais tu manges mal. Ben, c'est ça, il y a. Ben, c'est un exemple. Je dors presque, mais je ne dors pas. Bien, il y en a qui mangent, une idée de c'est quoi bien s'alimenter, puis ils mangent à moitié bien. Il y en a d'autres qui mangent totalement mal, puis il y en a d'autres qui mangent totalement bien. Ça veut dire que ce qu'ils mangent bien, c'est ce qu'ils aiment, puis ce qu'ils mangent mal, c'est ce qu'ils aiment. Dans ce qui est bon pour leur santé, qu'ils n'aiment pas, ils ne le mangent pas, et ils viennent se passer d'avoir la volonté. Bon, mais à partir d'une personne qui, elle, ne mangeait vraiment pas bien, puis là, qui s'est améliorée de 50%. Oui, elle s'est améliorée de 50%, mais pas parce qu'elle l'a voulu. Bien, pour elle, tandis qu'il y avait un but à atteindre, c'est qu'elle a eu de la volonté pour se rendre à la moitié. Oui, c'est ce qu'on appelle l'illusion. C'est comme la roche qui tombe, elle se dit, crime, tant qu'à tomber, tombons. Ben là, c'est elle qui décide. Non, mais celui qui lance la roche, par exemple. C'est pas là. Ben, c'est qui? Ben, c'est pas qui? C'est quoi? C'est pas quoi non plus. C'est où? C'est au-dehors un peu de ce sujet-ci. On en parle plus au niveau de c'est ça, donc. C'est important, le c'est quoi, le c'est qui. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui est le problème. C'est que l'être humain devra être capable d'exprimer de la volonté. On développe pas de la volonté. On développe pas. C'est comme développer votre compréhension. Écoutez, vous comprenez ou vous comprenez pas? Mais c'est un mot qui. Vous sautez d'un à l'autre, c'est comme ça. Mais c'est un mot qui n'existe pas de bord. Ah oui, il existe volonté. Le mot existe. Mais il désigne rien. Il désigne ce que l'humain veut avoir et ce que l'humain se conditionne à penser qu'il a. Parce que quand on pense qu'on en a, on n'en cherche pas. Donc, en partant, c'est réglé. Et il désigne finalement ce que l'être humain n'a pas. L'homme n'a pas de volonté. L'homme, la femme, l'enfant, non seulement n'ont pas de volonté, mais en plus, ils n'ont jamais rien décidé, ils n'ont jamais fait de choix, ils n'en feront probablement jamais, puis ils ne décideront probablement jamais rien non plus. D'ailleurs, c'est tout dans la même affaire, ça, là, pour moi. Puis, je suis pas d'accord. Ah! T'as pas un choix, t'es manipulé! Il n'y a pas la volonté, non, d'accord? Je suis d'accord que je suis manipulé. Pourquoi ce concept-là existe si la volonté n'existe pas? Il faut que ça finisse par aboutir à une action, cette volonté-là. Bon. Sinon, le mot n'existerait pas. Est-ce que tu crois que l'être humain peut traverser les murs, que certains humains peuvent traverser les murs? Ben là, tu choisis des exemples qui n'ont pas d'allure pour qu'on... Non, mais... Est-ce que tu y crois? Oui, c'est possible. Bon, pas d'allure. Mais non, pour que tu vas finir par dire que cet exemple-là n'est pas correct, et puis non, donc la volonté n'existe pas. Est-ce que tu crois que l'être humain peut marcher sur l'eau? Ben oui. Bon. T'en as vu souvent? Non. T'en as vu combien de fois? Oui, mais... Il y a quelque part quelque chose qui manipule l'humain. Oui, mais tu peux pas. OK. Si, par exemple, je suis capable d'un exemple. Si l'humain peut être capable de faire tout, mais s'il ne veut pas tout faire, bon. Il peut avoir des blocages. S'il ne veut pas tout faire, il y a de la volonté. Mais s'il ne veut pas tout faire, ça veut dire qu'il y a de la volonté. S'il a de la volonté, ça veut dire que s'il décide qu'il peut tout faire, il peut tout faire. Il y a peut-être des interdits, il y a peut-être des limites. Donc, l'humain est pogné, l'humain n'a pas plus de volonté. T'as la volonté de faire tout ce qu'on te laisse faire, puis t'as pas la volonté de faire ce qu'on t'empêche de faire. Oui, mais la volonté, c'est à l'intérieur de la psychologie individuelle, c'est pas quelque chose d'extérieur. Alors pourquoi l'être humain doit-il passer sa vie à essayer d'arriver à faire quelque chose qu'il veut faire? Mais doit-il en avoir la volonté un jour? Parce que dans le fond, il veut pas. Parce qu'on dit, pourquoi manquons-nous de volonté? Et puis là, on est en train de voir que l'humain n'a pas de volonté. Mais est-ce qu'il doit en avoir, arriver à en avoir un jour? Ce serait plaisant, mais probablement que la majorité des êtres humains n'auront jamais de volonté. Alors, pourquoi manquons-nous de volonté? La question se pose même pas. Ben, c'est pas moi qui l'ai posée non plus. Moi, je la réponds. Mais de toute façon, moi, je suis pas encore d'accord pour dire qu'il n'y a pas de volonté. Parce que je suis d'accord pour dire que je suis manipulé, que je me rappelle pas ce que je disais là juste avant. Mais t'es d'accord. Oui. Qu'est-ce que c'est la volonté? La volonté, c'est la capacité de contrôler. C'est la volonté. Je vais le définir d'une façon plus supramentale. La volonté, c'est la capacité d'être son seul maître. C'était banal, hein, maudit. Mais la volonté, c'est la capacité de contrôler. Ça veut dire la volonté, c'est la capacité de nous désassujettir de ce qui nous manipule, de nous sortir des prisons terrestres. La volonté, c'est donc la capacité de se libérer des prisons matérielles, des prisons vitales, des prisons psycho-émotivo-désirionnelles, se libérer donc des désirs, de l'émotion puis de la psychologie. Puis la volonté, c'est la capacité de se libérer de la connaissance pour avoir accès au savoir. Donc, de ne pas être limité par ce qu'on a appris, mais de savoir ce qu'on a besoin de savoir quand c'est nécessaire qu'on le sache, sans avoir besoin de faire de la recherche, de faire des études ou d'apprendre par essai-erreur, puisqu'on se le nez sans cesse pour inventer des philosophies de sagesse. Bon, qui fonctionnent uniquement tant que les conditions planétaires ne changent pas. La volonté, ça veut dire être capable de sortir de prison. C'est ça, la volonté. Mais il faut, avant, vouloir sortir de prison. Oui. Maintenant, l'affaire, c'est que même si l'être humain veut sortir de prison, il ne sortira pas plus de prison. Moi, mais si. C'est C'est d'ailleurs pourquoi je t'arrête 2 secondes et demie. C'est pourquoi toutes les religions font en sorte de te convaincre qu'il n'y a pas de prison. Parce que la religion n'est pas là pour libérer l'homme. La religion n'est pas là non plus pour l'assujettir. La religion, elle est là pour adoucir sa présence sur la planète Terre, quelles que soient les religions. Bon, la majorité, disons, il y a quelques religions qui sont là pour, c'est des religions. Mais la majorité des religions ne sont pas là pour rendre l'homme conscient, les religions ne sont pas là pour réveiller l'humain, les religions sont là pour mettre du baume sur le cœur, pour adoucir la vie planétaire. Parce que entrer et faire une descente aux enfers, c'est quand on rentre au paradis conscient. Là, on voit ce que c'est, puis là, on souffre en maudit. C'est ça, l'enfer. Bon, alors l'être humain, lui, l'être humain, présentement, il a vécu des religions. Dans les religions, on dit toujours à l'être humain que tout va bien. Hein, que c'est, si vous souffrez, c'est parce que ça fait plaisir à Dieu, puis plus tard, il va vous donner quelque chose. Vous allez vous asseoir à la droite du Père, et patati patata. Et on essaie, par la religion, continuellement de faire en sorte que tu puisses aimer ta souffrance. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que tu adoucisses la chose. Pourquoi? Parce que lorsque l'être humain va découvrir, puis évidemment, il y en a qui le découvrent présentement, lorsque l'être humain va découvrir, dans les minutes qui suivent, probablement, qu'il n'a pas de volonté, il est pris dans un processus assez pénible au niveau de la psychologie, le processus de « je fais quoi maintenant que je n'ai pas de volonté? » Puis la question, évidemment, c'est « tu fais rien, tu n'as pas de volonté. » Mais là, l'humain, là, bon, je ne bouge plus. Mais non, si on décide que tu vas t'élever, tu vas t'élever. Ce qu'on doit comprendre, c'est que pendant toutes tes vies, on a toujours pensé dans ta tête, puis on a toujours dit « tiens, je vais boire de l'eau. » Alors tu bois de l'eau parce que tu ne veux pas passer pour un fou. Mais tu n'as jamais rien décidé. Et c'est pourquoi tu décides une journée une chose, puis deux heures ou deux jours plus tard, tu fais autre chose. Et c'est pourquoi l'être humain passe finalement ses vies, cette vie-ci, en continuelle lutte pour s'améliorer. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire s'améliorer? Ça veut dire sortir de prison. Ça, s'améliorer. Pourquoi on veut s'améliorer? On va améliorer notre état de santé, on est prisonnier de maladie. On va améliorer notre état de compréhension, on va améliorer notre état de bonheur. On passe notre temps à vouloir s'améliorer. Puis historiquement parlant, l'humain a toujours voulu s'améliorer. Ou améliorer le voisin. Ça dépend des philosophies. Bon. Non, mais c'est pourquoi l'humain veut s'améliorer? Parce que ben, parce que la vie, la volonté où là-dedans? Il n'y a pas grand. C'est pas bien. Il n'y a rien de drôle à vivre. Fait que, non, c'est mais c'est drôle de voir vivre. La seule chose qui ne peut pas en faire créer l'illusion que tu vas savoir tout autre chose que vivre, c'est de changer. Parce que là, présentement, comme on est, c'est plate. Fait que là, en changeant, ben là, on espère que ça va être mieux. Bon, c'est pas ouvert où, mais au moins, pas dans qu'est-ce qu'on est là. C'est ça. Sauf que, encore une fois, le gros de la problématique, c'est que l'être humain, étant donné que l'être humain n'a pas de volonté, l'être humain ne peut pas changer. Qu'est-ce qui fait que l'humain change? C'est les conditions de vie, c'est pas l'humain. L'humain décide d'être écologique. Il y en a plein qui nous ont parlé d'être écologique quand ils ont brûlé, à polluer. Bon. L'humain décide d'être bon. L'humain décide de partager. Les chrétiens ont décidé ça bien avant toi. Puis là, ils ont fait la guerre partout pour forcer les gens à vivre en paix, à vivre en amour. Bon. Continuellement, l'humain est mal pris. L'humain veut faire le bien, puis il le fait mal. Ça va mal tout le temps. Alors, la volonté, elle est où là-dedans? Et il y a même un dicton très catholique qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'abord, la volonté humaine, t'es où là-dedans? Puis je dis pas que l'humain est mauvais, l'humain est bon. Puis même les personnes qu'on considère bizarres, si tu fouilles chez eux, là, autres les manipulations, ils sont corrects. Mais leur volonté, elle est placée où? Ben, ils n'en ont pas. Ben, c'est ça. Mais ça veut pas dire que... Il s'en vient. Ça veut pas dire que l'homme en a pas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul humain sur la planète Terre présentement. Quand je parle d'humain, je parle d'humain, d'unité carbone traditionnelle. Il n'y en a pas un seul qui a de la volonté présentement sur le plan planétaire. Il n'y en a pas. Mais pourquoi? Mais moi, je suis pas d'accord. Mais pourquoi qu'il n'y en a? Pourquoi qu'il n'est pas en mesure d'exprimer ça? T'as donné qu'il sait, tu sais. Bon, il y en a qui l'expriment, voyons. Comme donnait l'exemple de François tout à l'heure. Parce qu'il fait son jogging le matin. Ben, la journée que ça ne tentera plus, là, il n'aura pas volonté de continuer. Ben, ça ne tente plus, il veut. Non, il y a la volonté d'arrêter. Pas, je le fais pareil. Il y a la volonté d'arrêter. Il n'y a pas de volonté. C'est pas ça la volonté. Non, mais tu décides, tu as l'intention de faire quelque chose. Mm-hmm. Puis tu t'en vas vers ça, puis tu l'accomplis. C'est de la volonté. Non. Mais pour moi, la volonté, c'est pas si une journée que ça ne me tente pas, que j'y vais pas, c'est de voir qu'au bout de quelques années, que j'ai toujours été régulier. Ça, pour moi, c'est de la volonté. C'est pas de la volonté. Ben, c'est pas, je veux pas arrêter. C'est pas de la volonté. La volonté, c'est quelque chose, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est exactement comme, on vient encore tout à l'heure au cartomancien, les gens se font tirer aux cartes, ça marche à peu près jamais. À ceux qui devraient écouter l'inverse de ce qui est dit, il y aurait déjà plus de résultats. tu es allé gagner la loterie. Ah, parfait, parfait, t'achètes pas de billets, même si t'en achètes, tu gagneras pas plus. Les Sagittaires, votre chiffre chanceux aujourd'hui, c'est le 9. Ben oui, le 9, sur un 6, sur 6, tu sais, le 9, le 9. Moi, je vais gagner gros avec 9. Pour gagner 10$, il faut minimum 3. Et si je gagne le gros lot avec mon 9, là, on est combien de Sagittaires à miser 9? Ben, fait qu'on va s'amuser comment? Tellement c'est niaiseux. Bon. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous êtes obligé d'aller dans un chemin particulier, puis qu'en même temps, psychologiquement, on te fait croire que c'est là que tu veux aller, t'en déduis que tu as de la volonté. Celui qui décide de jeûner après avoir soupé, il a de la volonté. Ça marche. Il jeûne. Et à un moment donné, ça va commencer à tribouchoyer de feu, pas trop. Il jeûne. Puis si son corps physique n'est pas capable de venir manipuler son cerveau, s'il ne sent pas qu'il a faim, il va jeûner. Puis il va dire aux autres, eh bien, t'as bien pas de volonté, vous autres. Là, passe en avant avec un steak tartare, là. Puis là, tu vas voir que sa volonté est partie avec le steak. Mais ça dépend. Si il a dit, je jeûne jusqu'à temps qu'il me passe un steak d'en face, il a eu de la volonté. Il n'aura pas dit ça. Mais là, ça fait non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu détermines, tu dis là, je vais faire ça jusque là, ou je fais... Ça marchera pas plus. Là, on semble parler de deux affaires, des petites volontés puis de la grosse volonté. C'est qu'en réalité, on parle de deux choses. On parle de l'illusion que l'humain a, parce que quand l'humain est dans un canal, quand l'humain est dans un chemin, puis que l'humain décide que c'est là qu'il veut aller, là, il s'illusionne qu'il y a de la volonté. Il n'a jamais décidé de rentrer là-dedans. La personne qui dit, moi, je veux devenir le plus grand des chirurgiens, a peut-être jamais décidé d'être chirurgien. Là, maintenant, elle pense qu'elle va décider d'être le plus grand des chirurgiens. Puis ça ne réussira pas nécessairement. Si on regarde juste tout ce que... Moi, ce que je veux qu'on comprenne bien, faut pas s'obstiner sur les pacotilles d'illusion de volonté. Pourquoi? Parce que, grosso modo, à l'échelle de ta vie, si tu passes ton temps à devoir te battre pour changer, à devoir te battre pour te taire, à devoir te battre pour être moins colérique, à devoir te battre pour être moins jaloux, à devoir te battre pour être moins une personne qui s'ennuie, pour être moins ceci, pour être continuellement passer ta vie à devoir te battre pour pas manger mal, pour pas fumer de vin autre, pour pas ci, pour pas ça, continuellement, bien la volonté est rendue où? Bien, je vais me donner un exemple. Globalement, si je regarde quand j'étais jeune ce que je voulais devenir plus tard, bien l'état général, c'est à peu près ça. Fait que... J'avais pas de grosses aspirations. Non, c'est ce que je me dis aujourd'hui. J'aurais dû miser plus gros. J'aurais eu plus. Ça, c'est mais... une adaptation, ça, là. En tout cas, c'est peut-être une illusion, mais... Parce que... Puis, je suis convaincu que... Moi, je te connais bien, puis t'es toujours en train de chialer que c'est pas correct, puis ça va pas assez vite, puis c'est ici, puis c'est ça. N'empêche! Il voulait, ouais, mais ça, c'est... Jeune, il voulait être dans un monde pogné, où tout marche pas. Puis chiale. Non, mais t'as réussi. C'est parce que ça, c'est les moments où je deviens impatient puis je veux avoir plus. C'est certain, tu donnes à quelqu'un ce qu'il a demandé puis il veut plus. Mais si, anégoïquement, je m'assieds et je regarde ma vie, ben sais-tu que... La volonté, c'est pas ça. Ce que tu dis simplement, il y a une période d'adaptation puis en plus, t'as eu la chance un jour de rencontrer des gens intéressants. Ça veut dire des moments. Mais ça, là, c'est pas une question de volonté. Non, mais je ne dis pas que la volonté est partout. Moi, je te dis simplement que tu n'as pas de volonté. Il n'a pas. L'humain n'a pas de volonté. Mais ça veut dire que ça place tout le monde sur le même pied d'égalité à zéro, là. Pas de volonté personne. Ben non, parce que si on devient notre la maître... La force spirituelle, oui, ça place tout non, le monde. Non, mais ça veut... Ce que je veux dire, c'est comment ça se fait qu'il y en a qui réussissent des choses, il y en a qui ne réussissent pas. Ça veut dire que tout le monde n'est pas égaux. Il y en a qui travaillent toute leur vie, puis il y en a qui gagnent à la loterie. La volonté, elle est où là-dedans? 7-Up, tu connais l'histoire, le gars l'a lancé à la compagnie, ça fait faillite. Le deuxième, il l'a lancé, ça fait faillite. Le septième, il l'a lancé à marcher. Il a appelé ça 7 fois remis debout. 7-Up. 7-Up. Ça vient de là. Coke, c'est autre chose. Mais 7-Up. Là, c'est facile de dire oui, mais là, le gars avait la volonté, le gars a travaillé. Ils ont tous fait ça, c'est les prédécesseurs de ce bonhomme. Oui, mais là, tu prends des exemples de gens uniques, là, mais si tu regardes tout le monde, tout le monde a ses. Tout le monde en population. Là, ben, c'est ça, tout le monde a ses luttes quotidiennes, ses tracas, puis il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Oui, la volonté là-dedans. Oui, mais là, c'est ça l'affaire. Je reviens à ça. C'est que si, par exemple, on prend l'exemple de 7-Up, si dans les 7 gars, les 7 femmes, en tout cas, les 7 personnes qui dirigeaient ces compagnies-là, peut-être qu'il y a rien que le 7e qui voulait vraiment réussir. Ah oui, peut-être. Les autres, ils ont tout perdu, leurs femmes, leurs enfants, leur argent, leur maison, leur bateau, mais ils ne voulaient pas réussir. Ah, mais tu sais qu'il y en a qui s'arrangent pour avoir du trouble. Absolument. Non, mais ils ne veulent pas avoir de trouble. Ils s'arrangent pour avoir inconsciemment. Inconsciemment. Mais non. Bon. Ça, c'est. Tu là, ta radio est un psychologue. Parce qu'eux autres, ils parlent de même. Vous avez un problème? Ah, votre fils se drogue. Ah, c'est de votre faute, peut-être. Cherchez comme il faut chez vous. Peut-être qu'il y a un engramme qui fait que vous voulez que. Non, voyons, donc. Non, je dis pas ça. Je ne me remets pas ça sur le dos. Les six sont passés avant, eux autres, ils voulaient tout perdre. individuellement. Non, mais il n'y avait peut-être pas ce qu'il fallait pour réussir. Il voulait-tu réussir ou pas? Oui, il n'y avait peut-être pas tout ce qu'il fallait pour réussir. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas tout ce qu'il fallait. Il aurait fallu que le cinquième arrive en septième, ou que le premier arrive en septième, ou que le troisième arrive en septième. Parce qu'à partir de cette date-là, ça devait fonctionner. Le gars qui est venu se pointer là, il passe pour un génie, ça ne le regarde pas du tout, lui, là-dedans. Mais comment ça qu'à partir de... Lui, là, c'est un hasard. Depuis qu'il est arrivé dans la compagnie, là, ça s'est mis à fonctionner. Puis deuxième après, c'est clair. Puis bon, le gars. Mais à quoi ça sert de vivre? Ça va avec les Laflamme. À quoi ça sert le 7-Up? Il n'y a rien que ça soit décidé d'avance. Ouais, ouais, c'est ça, c'est-tu tracé d'avance? Là? C'est-tu le 7e va réussir? Non, non, pas le 7e. Ça donne là, le 7e. Les chrétiens, les 7. 7. 7. Côte, ça a réussi au premier coup. Mais c'est-tu ça la volonté? La volonté, je ne parle pas du monde, là, je parle de la volonté, là, qu'on ne sait pas du tout. Moi, je vais vous parler un peu de la volonté, puis vous allez voir. Pour que les véhicules planétaires arrivent un jour à exprimer de la volonté, il faut absolument que quelque chose naisse. Il faut que le dormeur se réveille. L'animal humain tel qu'il est présentement répandu sur la planète Terre, non seulement il n'a pas de volonté, mais en plus, il n'a même pas de conscience qu'il n'a pas de volonté. Il est pris dans l'illusion. Si on est le moindrement un peu conscient, puis ça, c'est pas une question de... Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas, puis il y en a qui vont le devenir. Puis il y en a qui vont le devenir de plus en plus. Mais il suffit de faire des analyses mathématiques. Et là, c'est un gros danger, parce que spirituellement, les analyses mathématiques, on les bannit. Combien de fois votre astrologue a-t-il raison? Jamais. Combien c'est un coup de paralysie à faire ta carte du ciel? Ah, oh, 100, 120, 150. Parce qu'un jour, peut-être qu'il va avoir raison. Mais la journée qu'il va avoir raison, ça va être peut-être comme les prophéties de Nostradamus. Il a toujours raison après. Ça ne sert jamais à rien d'avoir ces prophéties. Ah, gars, c'est ça qu'il veut dire, comment ils vont. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine? Ça, on ne le sait pas. L'année prochaine, on verra ce qui est arrivé. Là, on va dire, regarde, il y avait raison. Là, tu traverses avec plusieurs personnes qui décrivent les prophéties de Nostradamus, puis ils ont tous raison, historiquement, mais ils ne s'entendent pas, mais ils ont tous raison historiquement. L'affaire là-dedans, c'est de trouver où ce qu'il l'a dit, dans quelle page. Puis... Toujours la même chose. Là, mathématiquement, mais il faut juste regarder votre vie. Regardez vos vies. Vous ne menez pas vos vies. Vous décidez pas vos vies. C'est sûr qu'entre un verre d'eau et rien du tout quand tu as soif, le choix est pas trop pire. Je vais boire. Là, on prend le verre d'eau, puis là, on se dit, oups, y'a-tu quelqu'un qui a bu dedans avant? Tu sais, t'es quelque part, là. Puis tu cherches les traces de rouge à lèvres. Ouais, mais d'un coup, que c'est un homme, d'un coup, la femme n'en met pas, puis là, t'es pas sûr. Ça, c'est la vie de l'être humain que je décris là. C'est pas une exception comme ça. Tu sors de la douche chez toi, là, puis t'entends bouger, puis tu sais pas si c'est le chat ou quelqu'un qui est rentré. Là, tu sors-tu tout nu ou pas? Parce que lui-même n'a jamais vu ça, un corps de chair. Il n'a jamais vu ça. Là, t'es tout fait, t'es tout pogné. C'est sans arrêt. Regarde la vie de l'homme, de la femme ou de l'enfant, c'est sans arrêt de la misère. À l'instant où la personne dit, bon, ben là, je cesse ou je change ou je fais ceci, on commence les combats. Pourquoi? Parce que l'être humain n'ayant pas de volonté, l'être humain, il est capable de conscientiser. Et c'est bon. Il est capable de se rendre compte que c'est pas ça qu'il voulait. Ça, il est capable. C'est rare qu'il se rende compte que c'est ça qu'il voulait. Mais par l'adaptation, à un moment donné, il finit par se complaire dans ce qu'il voulait pas, puis il pense que c'est sur autre. C'est pire. Bon. Pas si pire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain vit. On vit des choses, on sans arrêt. Puis à l'instant où vous autres, là, à l'instant où toi, vous descendez chez vous, puis que vous décidez, mais en réalité, c'est pas une décision de choix. À l'instant où vous venez vous exprimer, la guerre commence parce que tous vos véhicules planétaires sont faits pour vous refuser. Bon, le corps de chair est intéressant, ça permet de cristalliser l'évolution, donc ça avance lentement, ça évolue lentement. Mais si ça va mal, ça évolue lentement. Le corps de chair a cet avantage-là. Si on avancerait très rapidement, il arriverait une scrap, puis on évoluerait rapidement. Le corps évolue lentement, mais il évolue lentement. Prends du temps avant de rendre un corps malade. Ça prend du temps avant de le guérir aussi. C'est fixe. Le corps vital, très intéressant aussi, permet la vie. Le corps astral ramasse des mémoires, ces choses-là, puis c'est dans le corps astral qu'on retrouve le virus majeur qui pirate l'homme, qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est le siège de l'âme. Tout ça, c'est un virus qui était essentiel dans le passé pour animer les corps. On appelait ça anima, l'âme, pour animer les corps d'expérience jusqu'à temps que l'être humain, l'être, pas l'animal humain, vienne habiter des décors. Puis quand l'être humain commence à être conscient, ça vient. Mais ça vient de façon assez subtile, plus ou moins inconsciente, parce que l'être humain est trop investi des mémoires qui viennent fermer le contact avec lui-même. Vous décidez, par exemple, que Ce soir, je n'aurai pas de relation sexuelle. Et c'est ça à 8h le matin. Là, rendu à 4h l'après-midi, pas pire. On n'est pas ce soir. La femme, pas pire, pour le gars. Puis là, à un moment donné, plus ça va s'en aller dans la soirée, là, tu vois, t'as pas de volonté, je te vois rire. Bon. Plus ça s'en va dans la soirée, plus ça devient pénible. Et pourtant, c'est pas facile. Je le fais pas. C'est simple. Je le fais pas. Tu te couches, puis tu le fais pas. Mais là, on va s'organiser pour venir sécréter dans ton corps. Il va y avoir plein de petites véhiculations d'hormones. Ça va être organisé partout, mon gars, il va avoir tout ce qu'il faut. Puis toi, là-dedans, non. Non. Oui. Puis après ça, on va commencer demain. Puis là, de demain en demain. Parce que demain, ça tombe jamais. Commencer demain, pas de danger. Vous ne serez jamais demain. Ça va toujours être aujourd'hui. Alors, il n'y a aucun problème. Demain, pas de problème. Demain, demain. Lundi. Non, lundi, même chose. Ben, lundi, c'est dangereux, tu peux être lundi. Mais demain, c'est jamais demain. Quand t'arrives demain, t'es aujourd'hui. Demain, c'est demain. Je décide que je marche plus lentement. Je décide que je ne chiale plus. Je décide, vous en avez décidé. Juste pour te dire comment c'est intéressant, quand j'annule ce point, le 1er janvier, on fait des... Comment on appelle ça? On appelle ça des illusions, là, mais... Des bonnes résolutions. Des résolutions. Non, des bonnes résolutions. Parce qu'il y en a qui prennent des mauvaises. Bon. On prend des bonnes résolutions. N'en prends pas trop, parce que de toute façon, on ne tiendra pas. Fait que moins on en prend, moins on est frustré de pas avoir tenu. Bon. Chaque année, on prend nos résolutions. On devrait appeler ça une révolution. On prend nos révolutions. Une révolution, c'est quand tu fais un tour sur toi-même. Fait que chaque année, tu prends une révolution, puis tu reviens, puis tu recommences. Bon. L'homme n'a pas de volonté. Moi, ce que je veux qu'on comprenne, ce qui serait très intéressant que les gens puissent vibrer, on ne pourrait pas appliquer ça du jour au lendemain, tant que ça ne sera pas cellularisé, c'est-à-dire tant que ça ne sera pas codifié dans l'ADN de vos cellules, hein, donc transmissible génétiquement, la conscience claire qu'on n'a pas de libre arbitre et qu'on décide foutrement rien, l'être humain ne sera pas capable d'autoriser l'expression réelle de son être-té dans ce que les autres vont appeler de la volonté. La volonté, c'est d'arriver à être libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que toi, tu vois l'intelligence, l'esthétisme, tu vois la vibration de dire, de faire quelque chose, ça se fait. Toi, pas l'ego. Il n'y a rien, pas ton ego. Il n'y a rien pour t'en empêcher. Là, tu as de la volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu... Tout vos vies. Savez-vous à quelle vitesse vous pourriez changer si vous appliqueriez tout ce que vous savez que vous devez appliquer? Mais ce que tu viens de dire, Daniel, il n'y a jamais personne qui a fait ça une fois. Jamais. Mais même s'il y en aurait eu un, je sais que t'aimes ça, toi. Bon, il y en a eu un. Non, mais parce que de dire, tu nommes plein d'exemples où les gens manquent de volonté, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un exemple. Où... Il n'y a pas d'exemple que les gens ont eu de la volonté. Il n'y en a pas. Je peux t'en inventer, mais il n'y en a pas. Mais à se mettre en groupe, ça... Tu mets en groupe? Ça, on ne pourrait pas en groupe, il y a plus d'énergie, donc... Oui, mais c'est pas l'esprit grégaire des humains. Non, tu prends une gang. Prendre n'importe quel humain. Comment c'est ça? La volonté, c'est quoi? Mais si tout seul, l'individu n'est pas capable, peut-être qu'en groupe... C'est quoi le travail après ça pour tenir la commune en un tout? Je n'ai pas pensé à ça, moi. Par un bon gourou. Non, mais ce serait pour faire quoi? Mais pour exprimer de la volonté. Non, mais c'est pour sortir de prison, parce que là, c'est... Non, c'est évident que l'humain devra s'associer. L'humain devra établir des alliances entre lui pour augmenter sa synergie, pour augmenter son potentiel d'énergie. Sauf que moi, ce que j'explique présentement, puisque les humains doivent bien comprendre, c'est que la volonté chez l'homme, présentement, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, elle n'est pas à cultiver. Celui qui fait de la méditation transcendantale, il va transcender certaines choses. Celui qui fait du zen, la méditation assise, le zazen, par exemple, il va arriver à transcender certaines choses. Sauf que c'est pas de la volonté, c'est de l'entraînement. Puis l'entraînement, ça marche pas. Puis celui qui réussit facilement, c'est parce que lui va réussir facilement. S'il a de la volonté, c'est qu'il va tout faire ce qu'il veut faire. Alors que l'humain, lui, il veut tout faire ce qu'on le force à faire. Ouais, mais là, c'est... Un peu. Avoir de la volonté, c'est de tout faire. C'est comme aimer. Je suis d'accord. S'il y a une seule chose sur la planète que tu n'aimes pas, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Bon, mais là, c'est parce que... La volonté, c'est la même chose. Il y a deux... On est habité par deux personnes. On cohabite l'ego et puis l'être. Oui, mais tu n'es pas habité par deux personnes. Ben, deux choses. Non. Deux affaires. Il faut falloir que l'humain parle d'accord. Non. Deux synonymes. Non. Toi, tu veux dire que l'être t'es habite pas encore. Oh non, non, non. On n'est pas habité par deux. Non, c'est l'autre qui dit que l'autre est là. On est deux. Ça fait deux. On est un. Oui, c'est ça. Mais on cohabite avec un autre. C'est qui, là, un? C'est toi. Dans ton cas ou dans mon cas? Dans le mien. C'est l'ego. Bon, puis l'autre, c'est qui? C'est Michel. Bon, c'est correct. Bon, c'est ça. Fait que, c'est ça que je dis. Ça fait deux. Mais j'ai pas fini. C'est que là, si c'est l'ego qui décide... C'est vrai que t'as pas fini. Je suis d'accord. Si l'ego veut faire quelque chose, on oublie le résultat. Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas de volonté là, parce que c'est pas applicable. Mais si l'être, à travers tout ça, parce que les deux sont à tour de rôle... Mais quoi? L'être, c'est dangereux quand on n'entend pas le terme l'être. Ben, je ne sais pas quoi dire. Mais toi! Ben... Oui, la religion parle de l'être, la psychologie parle de l'ego, du toi, du moi, du toi, de tout ce que tu voudras. Alors qu'à travers ça, l'humain... Mais c'est parce que l'ego, quand je parle de ça, l'ego voit comme s'il me fait posséder, tu sais. Mais l'être humain est possédé. Ben oui, mais... Il est possédé de bonnes intentions. C'est qu'à un moment donné, l'ego dit, c'est l'intelligence qui le possède, qui est en train de rentrer, puis à un moment donné, c'est l'intelligence qui dit, hey, l'ego, il faut que ça sorte, ça n'a pas d'affaire. Oui, mais là, il faut cesser de faire de l'intellectualisme sur ces choses-là. Parce qu'à un moment donné, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Ça ne sert à rien de vérifier à quel niveau, puis commencer à intellectualiser ou à mentaliser là-dessus. Bon, le gros problème de l'être humain, c'est la division. C'est-à-dire qu'on doit spécifier, on crée des spécificités au niveau de l'évolution de l'homme. Alors, tu as un ego, tu as une mémoire volatile, tu as un périsprit, tu as ceci, tu as cela. C'est d'une certaine façon vrai. Vos corps physiques sont des cellules. Dans les cellules, évidemment, il y a des molécules, il y a tout un paquet de choses, des mitochondries, puis des choses de même. Bon, on va passer les détails. Il y a, avec l'agglomération des cellules, il y a la création de vaisseaux. Des vaisseaux sanguins, des lymphatiques, des vaisseaux nerveux, des vaisseaux d'énergie yin et yang. Il y a nécessairement des muscles, il y a des os, il y a bon, plusieurs choses. Le médecin, lui, va connaître l'être humain. Bon, il y a un os, il y a ci, il y a ça, etc. Mais l'acupuncture, les médecins occidentaux n'ont jamais trouvé parce qu'ils analysaient des corps morts, puis les méridiens disparaissent, c'est de la vie. Quand on voit l'humain dans son ensemble, on découvre subitement une nouvelle forme de médecine. Mais même les acupuncteurs ne voient pas l'humain dans son ensemble. Si on regarde la psychologie, je ne parle pas d'un psychologue. Il y a des psychologues qui sont géniaux, il y en a d'autres qui sont normales. Bon, c'est la même chose en médecine, c'est la même chose dans n'importe quoi. C'est pas la science qui fait que tu es quelqu'un, c'est toi. Bon. En psychologie, on va aussi parler de certaines choses. On va diviser. En religion, on fait la même chose. Ça, c'est un gros, gros problème chez l'être humain. Par contre, parce qu'on a maintenant l'habitude, on a l'habitude de la fragmentation au niveau de la connaissance, on est obligé maintenant de passer l'information d'une façon fragmentaire. Sauf qu'on devrait finalement être capable de revenir à un tout, en ce sens que mon corps, même si c'est mon corps, déjà là je crée une séparation, mais c'est mon corps pour l'instant, mais je ne peux pas considérer le corps comme un ensemble de cellules. Dans certains cas, probablement, pas au niveau de l'évolution de la conscience, c'est-à-dire pas lorsque je veux comprendre ou lorsque je veux savoir les choses. Là, je ne peux plus être fragmentaire. Si je dis l'esprit, bien, si je dis l'esprit, c'est que je m'exclus. Là, tu vas dire, oui, mais si je suis l'ego, c'est normal que je m'exclue. C'est vrai. Si tu dis, oui, et l'ego, lui, t'es pas plus l'esprit. T'es l'ego qui joue à la bilocation. T'es l'ego qui joue à être à peu près tout. Je suis un dieu en puissance. C'est l'ego qui parle encore. On n'a rien à foutre que t'es un dieu en puissance. Tu dis, c'est la main gauche. Je parle à la main droite, là. Oui, c'est la même chose. Alors qu'à un moment donné, il faut que l'être humain puisse parvenir à vivre ce qu'il est lui dans une conscience. Ça s'apprend pas, ça s'initie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un ego qui m'habite une chose, mais je comprends ce que c'est que l'ego. Mais il y a un ego. Puis quand je dis un ego qui m'habite, c'est que je suis terrien. Donc si j'habite le corps avec l'ego, c'est évident que l'être humain peut jouer avec les mots. Et c'est pourquoi je dis que c'est dangereux les mots. Ah, mais ça prend une troisième personne, je suis en train de penser à ça. Oui, bon, ben moi. Non, c'est parce que si, prends l'exemple des mains, faut que tu sois capable de voir un, voir l'autre. Non, parce que là, c'est pas la main qui parle à la main, c'est toi qui penses que la main parle à la main. C'est pour ça que tu es une troisième personne. En tout cas, bref. La main, elle parle quoi, l'autre? Okay. Non, mais même si il y en a parmi mes confrères qui sont pas d'accord, nous mettons qu'on a fait la démonstration que la volonté n'existe pas. Là, maintenant, il faudrait savoir pourquoi on manque de volonté. Ben moi, j'aimerais plutôt expliquer comment arriver à l'exprimer. Bon, oui. Mais au départ, nous, mais pourquoi on manque de volonté? Parce que l'être humain n'est absolument pas bâti. L'humain n'a pas été prévu pour exprimer de la volonté. Mais ça veut dire qu'il faut construire quelque chose. Non, ça veut dire que certains humains qui présentement sont en train d'échapper totalement au contrôle de ceux qui... même pas de ceux, mais du phénomène qui manipule l'humanité. Ah, mais c'est ça, il faut sortir de quelque chose. C'est pas que tu sors, il faut pas sortir. Il y en a qui sortent. Mais ces personnes-là vont souffrir, ils vont devenir des MTS, j'en parle souvent, les martyrs de la transition supramentale. Ces personnes-là vont devenir des MTS en ce sens qu'ils vont être exclus de l'évolution archangélique, de l'évolution des masses, et ils ne seront pas inclus dans l'évolution individuelle, l'évolution de l'individualité au niveau de la conscience. Bon, ça veut dire quoi? On parle de volonté. À chaque fois, c'est facile de faire, vous ne me croyez pas, vous ferez l'expérience, mais notez, notez. Chaque fois que vous allez vouloir accomplir quelque chose qui fait partie de l'amélioration de votre condition, quel que soit le niveau, physique, psychologique, matériel, etc. Chaque fois, quand chaque fois, disons à peu près chaque fois, lui va dire à peu près, ça veut dire qu'il y a une place qu'on a de la volonté. Moi, je vais dire non, il y a une place que vous voulez faire, ce que de toute façon, vous allez faire. Fait que dans ce temps-là, c'est facile. Non, mais je veux spécifier, là, comme tu l'expliques pour la conscience, la volonté, je suis d'accord avec toi qu'il n'y en a pas. Mais c'est ça. Il faudra que ce qui est en dedans soit d'accord avec toi à un moment donné. OK. Ce qui est important, donc, c'est ça. C'est que si, à chaque fois que je veux faire quelque chose, puis c'est sûr qu'on peut expliquer, oui, mais c'est parce qu'on a des blocages. Oui, mais si on a de la volonté, les blocages vont sauter tout de suite. On n'a pas assez de volonté. Ça, c'est l'illusion. On ne peut pas ne pas avoir assez de volonté. C'est comme quand j'expliquais souvent, dis à un fumeur de cesser de fumer, il n'y a pas assez de volonté. Dis à un non-fumeur de commencer à fumer, il n'y aura pas plus de volonté. Puis dis à une personne travaillante de passer un mois à rien faire, elle n'aura pas la volonté de le faire. Puis dis à un paresseux de travailler un mois de temps, il n'aura pas la volonté de le faire. La volonté, on s'en sert, c'est la religion qui a amené ça. Puis après ça, l'éducation l'a repris. On s'en est servi souvent pour manipuler, souvent pour punir. Ah oui, mais crime, t'as qu'à avoir un peu plus de volonté. Force-toi donc un peu. On dit ça à des enfants souvent à l'école. Oui, mais là, force-toi donc un peu pour comprendre. Comment je fais ça? J'ai compris. T'sais, force-toi pour comprendre. Force donc pour avoir de la volonté. Comment vous faites pour avoir de la volonté? Vous voulez, mais vous ne le ferez pas. Et là, l'humain qui pense qu'il a un libre arbitre pense qu'il est faible. Il pense que c'est lui qui n'est pas correct. Là, il vient se brûler avec la culpabilité. On doit être libéré de ça. Je ne veux pas, je ne veux pas boire, je ne bois pas, je ne veux pas boire, je ne glou glou glou, je ne voulais pas boire, je ne voulais pas boire, et voilà, je ne voulais pas boire. Ça, c'est un être intelligent qui vient de parler dans un corps qu'il ne contrôle pas encore, évidemment. C'est sûr, c'est facile de dire, finalement, probablement qu'au fin fond, je voulais boire. Fait, dans mon faible intérieur, peut-être que je voulais boire. Sauf que tu voulais pas boire. Vous vous engueulez en couple. Vous ne voulez pas vous engueuler en couple. Vous vous déprimez tout seul. Vous voulez pas vous déprimer tout seul. Mais il en gagne. C'est pour les groupes de déprimés anonymes. Bon. Toute la vie de l'être humain est une bataille, puis l'humain ne veut pas cela. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que, petit à petit, évidemment, ce qu'il faut comprendre au départ, c'est qu'effectivement, la volonté, c'est pas ce qu'on a pensé. La volonté, c'est pas de réussir. Ça, là, t'en parlais, ça, c'est une flatterie de l'ego. J'ai réussi, mais recommence, pas capable. T'as rien réussi. Mais la volonté, c'est d'être capable de bouger son corps. De prendre son corps, puis de le bouger. Prendre ses corps, puis de les bouger. Qui est là à ce moment-là? C'est toi. C'est l'ego, là. Quand tu prends ton corps, puis tu te bouges, tu es là. Mais il n'y en a pas sur, beaucoup sur la planète Terre, des humains qui sont là. C'est parce que ça reste pas longtemps. Ils sont là d'une façon alternative. Mais c'est que ça reste pas longtemps. Là, tu fais une action, et puis... Non, ça reste pas longtemps. C'est ça. Tu restes pas longtemps. Oui. Non, mais... Moi, ça reste pas longtemps. Ouais. Hey, j'ai failli en avoir. L'humain parle toujours comme un subventionné. Il est subventionné par Dieu. Hein? Donnez-moi ci, donnez-moi ça. Il est subventionné par le gouvernement. Donnez-moi ci, donnez-moi ça. L'humain, c'est un subventionné. Puis on doit cesser de vivre en subventionné. La société, parce qu'il espère encore, il espère tout le temps. Ça, c'est sûr qu'il espère. De cesser de vivre en subventionné, ça va être le premier pas de se rendre disponible à exprimer de la volonté. C'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas de démarche. La démarche fondamentale claire, c'est d'observer dans sa vie que chaque fois que vous voulez faire quelque chose qui est constructif pour vous, ou presque chaque fois, vous aurez à vous battre. Il y a quelque chose puissant qui veut absolument pas que l'humain s'en sorte. Puis là, c'est sûr qu'on peut ésotériser. Si on ferait d'ésotériser sa moustache, on pourrait s'en aller avec des amancheux, je comprends. Moi, je ne veux pas mettre de mots puis de noms pas en conférence régulière. Parce qu'astralement, il y a des personnes qui pourraient se faire charrier ou se charrier un petit peu. Pas tout le monde, mais il y en a quelques-unes. Ce qui est important, quand on met trop de mots, on part avec ça, on pense qu'on a compris, puis à un moment donné, on a plus de problèmes qu'on avait au départ. Pour certains, c'est possible. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut constater que c'est pas ça. Je demande à des gens, si tu pourrais recommencer ta vie, ferais-tu la même chose? Les gros égaux épais disent oui, mais les autres, ils disent non. Bon. Identique, là, la même chose? Oui! Tu aurais le même accident à la même place, tu serais montré à l'hôpital à la même place. Oui, parce que j'ai appris beaucoup à l'hôpital. Tu aurais appris la même chose ailleurs, peut-être. Bon, t'sais, la souffrance, t'apprends. Tu n'as rien d'autre à faire que de souffrir. Il faut bien que tu fasses de quoi pour t'occuper. T'apprends. Bon. Mais il y en a qui apprennent en étant heureux, il y en a qui apprennent en s'amusant, puis il y en a qui apprennent en pâtissant. Puis c'est facile de dire que oui, je referais ma vie. On n'a jamais rien choisi. Puis sans combien de fois vous, avez-vous dit avoir su? Bon, vous manipulez, vous menez votre vie. Non. On va te le dire après. Puis on va te faire croire que tu aurais dû le savoir, que tu peux souffrir, que tu sortis coupable. La première chose fondamentale, c'est de juste de constater que quand vous voulez le faire, là, ça lutte. En dedans, il y a quelque chose qui ne veut pas. Bon, vous voulez manger plus lentement, mastiquer plus. Ouais, mais c'est plate en maudit. Mais regardez votre corps physique, comment on va le charrier. Crunch, crunch, crunch. Puis à un moment donné, là, c'est avalé. Pour ceux qui mangent, c'est avalé. Bon, continuellement, chaque petite étape de sa vie, contrôle-la. Puis tu vas voir que la volonté ne fait pas partie de l'apanage de l'homme. Illusion de la volonté, oui. Alors moi, ce que je veux qu'on comprenne au départ, c'est qu'effectivement, qu'on observe, que c'est pas nous, qu'on ne contrôle pas le corps. C'est tellement facile à voir, mais si l'humain ne veut pas se détacher, il ne veut pas, c'est un gros mot évidemment, parce qu'il ne peut pas vouloir. Mais tant que l'humain ne vibrera pas suffisamment puissamment pour se détacher de l'illusion que c'est lui qui contrôle, il va rester en prison. Parce que c'est d'admettre ouvertement que nous ne sommes pas en prison. Moi, c'est un choix que j'ai fait d'être ici. Puis je suis heureux avec mes geôliers du monde correct, puis on peut se faire ce qu'on voudra. Les chrétiens, si on vous tape la joue, tendez l'autre. C'est dangereux, à la longue, on devient la bouche croche. Bon, force de manger des coups. Ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'on va facilement accepter n'importe quoi. Puis moi, je veux que l'humain, à un moment donné, ça ait accepté, parce que ça va servir quelque part, dans le temps. On doit cesser d'accepter. Tu veux faire, tu peux pas faire. Tu veux faire, tu peux pas faire. Puis toute ta vie, tu t'inscris à des cours, tu médites, tu achètes des livres ésotériques, tu viens des conférences. Tu essaies de trouver la clé. Et une fois que tu as accepté, là, tu fais quoi? C'est pas accepté. Une fois que c'est vibré, une fois que c'est réglé, une fois que tu le vis. Bon. Tu fais quoi? Mm-hmm. Tu te frustres. Bon, mais là, tu n'es pas encore dans exprimer la volonté. T'écart. Oui, OK. Le chiot. Puis progressivement, ben, il faut que tu prennes ton corps et que tu le bouges. Et pour ce faire, l'humain doit faire un paquet de choix. De choix? Oui. Je ne parle pas de l'animal. Puis quand je parle de faire un choix pour l'animal, ça va être comme un choix. L'humain, ce qu'il doit faire pour que ça se fasse, c'est qu'il doit reprogrammer son ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain doit s'enligner. Quand je dis que vous savez tous et toutes ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire, on le sait. Mais le problème, c'est qu'on est dans on finit par être dans une routine où ce qui nous importe finalement, c'est de savoir ce qu'on doit faire. Puis quand on le sait, on veut savoir plus ce qu'on doit faire. Puis quand on le sait, on veut encore savoir. On n'applique jamais rien. Et à un moment donné, ça va être simple, ça va être, si vous ne voulez pas de caries, brossez-vous les dents. Ouais, ça, je le sais, ça, là, mais on ne le fait pas. Dans la conscientisation, c'est la même chose. L'être humain doit s'écœurer. Puis il n'y a rien à faire. On débloque l'ajusteur de pensée. L'écœurement de l'écœurement te permet de connecter ton ajusteur de pensée à une source qui va t'amener de l'information. L'humain qui n'est pas écœuré, quand je parle écœuré, je ne parle pas déprimé. On doit être écœuré sans se déprimer. Si on est déprimé, là, c'est pas bon. Ouais, notre énergie, on a une hémorragie. Une hémorragie d'énergie, il faut trouver un mot. Hein? Bon. L'humain, non, c'est mou. Et on a une énergie ragie. Bon. Pas de l'énergie, en tout cas. Et ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain doit parvenir à être capable de supporter l'écœurement, de se laisser absorber par l'écœurement, puis d'observer que c'est toujours pas lui qui décide. Puis progressivement, l'humain, à un moment donné, sans avoir besoin de décider, c'est ça qu'on parle de volonté, mais la volonté, c'est de s'en sortir, c'est pas de décider qu'on s'en sort, c'est de l'espoir. c'est désir. L'humain, à un moment donné, va vouloir « je ne bois pas, je ne bois pas, je ne bois pas », puis maudit, c'est vrai, je ne bois pas. Bon. Là, l'humain va avoir exprimé de la volonté, c'est que l'humain va avoir été capable de se sortir de tout ce qui le force à être ce qu'il ne veut pas être, ce qui le force à être ce que finalement il n'est pas. Mais finalement, avoir de la volonté, c'est quand il ne voudra plus quelque chose. Non, on n'aura jamais de volonté. Mais là, c'est un petit jeu de mots. Quand on va exprimer, quand on va s'exprimer à travers le corps, c'est pas avoir de la volonté. Quand on va s'exprimer à travers le corps physique, on va être des êtres de volonté. Pas de bonne volonté, de volonté. OK, mais il n'y aura plus rien qui va venir de vouloir quelque chose en nous, ce qu'on va exprimer. Ah, tu vas en avoir encore au départ. Il y a une période de transition, évidemment, où ce que tu vas vouloir encore faire, avoir une relation sexuelle, par exemple, quand ce n'est pas le temps. Et puis, tu n'en souffriras pas, puis tu vas te virer de bord, puis tu vas être capable de faire taire ce qui est là. Mais je ne parle pas de contrôle. C'est sûr que les techniques sont bonnes. Au départ, c'est intéressant, parce que tant qu'à souffrir, tu prends une technique pour arriver à contrôler la chose. Mais si tu as la capacité de pratiquer la technique, ça fonctionne, comme dans son cas. Ce n'est pas une question de volonté. Si tu n'es pas conçu pour pratiquer la technique, tu ne pourras même pas pratiquer la technique. Non, mais la technique devient rapidement un conditionnement. Exact, c'est pas une question de volonté. Regarde le gros problème. Quand est-ce que tu tombes de l'autre côté, que là, c'est la volonté? Juste pour te dire, par exemple, regardez ceci. Chaque fois que vous vous sentez en colère, prenez trois grandes respirations. Tout le monde le sait, tout le monde essaye, ça les relaxe, c'est réglé. Là, vous partez. À un moment donné, quelqu'un commence à vous faire, à vous mettre en colère, puis là, vous faites, ça marche. Là, vous venez à notre réunion du club des colériques anonymes, puis là, je vous demande, qui a essayé? Il y a trois qui lèvent la main sur ça. Les autres? Et moi, j'ai oublié. Et moi, j'ai pas pu. Et comment ça d'oublier? Crime, force-toi un peu de te rappeler. Et on parle pas de niaiser un peu, là. Comment tu fais pour t'en rappeler quand tu t'en rappelles pas, puis il faut que tu t'en rappelles? Là, t'es là, t'es en colère, là. Ah, minute. Tu sais, l'affaire sur le doigt. Ah, ça veut dire quoi? Mais celui qui s'en rappelle. Ça, les marques que tu as sur le doigt, toi, je celui qui s'en rappelle. Il fallait qu'il respire. C'est grâce à lui qu'il s'en rappelle. Il est là, puis ah, faut respiration. Comment ça se fait que lui s'en rappelle, pas les autres? C'est sûr qu'un égo va dire, c'est parce que moi j'ai plus de mémoire. As-tu décidé d'avoir plus de mémoire? Non. Puis les journées que tu oublies, ah ben, comment on fait pour se rappeler ou ne pas se rappeler? Ben celui, enfin c'est pas celui en réalité, mais le phénomène qui manipule l'humain, nous dirige. On va te permettre de te rappeler ce qu'il faut pour que tu rentres droit où ceux qui veulent t'envoyer, puis on va te bloquer où ce qu'il faut que tu te rappelles pas pour t'envoyer où tu dois t'en aller. Puis l'humain là-dedans est un jeu complet. L'humain, c'est un jeu total. Et là, c'est un jeu pour quelqu'un d'autre. Ça s'amuse. Non, mais là, faut pas bien qu'on parle une fois d'eux autres. Ah oui, on va en parler, mais... Mais qu'est-ce que ça va être quoi la différence au niveau de la saveur? Parce que tu dis que dans la transition, il va y avoir un temps où, bon, par exemple, dans ton exemple de relation sexuelle, que tu vas te dire, j'en ai pas ce soir, puis tu vas être en mesure, là, tu vas commencer à exprimer de la volonté. Puis, exactement comme... C'est quoi la différence entre ça puis François qui fait son jogging? C'est pas important ta question. C'est une question égoïque au niveau de la saveur. Comment je vais pas être trippé au moins autant quand je vais être correct ou pas? Ou reconnaître? Ben oui, mais reconnaître. Et pourquoi reconnaître pour pouvoir s'en vaudre égoïquement? À quoi ça sert de reconnaître que tu es correct si tu es correct? Mais c'est surtout si tu n'es pas correct, de ne pas penser que tu es correct. Oui, mais si tu n'es pas correct et tu penses que tu es correct, tu ne pourras pas le reconnaître de toute façon. Tu vas te jouer en masse pour rester dans l'esprit du gourou, justement. Celui qui est parfait ou celle qui est parfaite. Bon, gourou, une gourouette. Bon. Mais ce qui est bien important de saisir au niveau de ça, c'est que l'être humain... Quand tu attends quelqu'un, moi j'ai des amis, je leur demande de temps en temps, des jeunes, est-ce que tu t'ennuies de moi? Elle me dit non. Parfait. Et je dis pas ça parce que je veux qu'il s'ennuie. Je veux être sûr qu'il s'ennuie pas. Parce que s'il s'ennuie, il faut faire une place. Est-ce que tu es content quand on est ensemble? Oui. Alors si par exemple, vous téléphonez quelqu'un avec qui vous vibrez, avec qui vous êtes capable de monter en amour, pas nécessairement faire l'amour, là. Ça c'est couché ça. Monter en amour, bon. Là, la personne a dit « OK, bon, ben, je m'en viens. » Là, vous êtes heureux. Vous êtes heureuse. Parfait. Vous vibrez. En réalité, vous n'êtes pas heureux, vous êtes joyeux. Parce que la joie, c'est ça, le bonheur instantané de l'être nouveau. C'est la joie. Bon, c'est pas mémoriel. Puis là, à un moment donné, ça sonne, je téléphone, puis elle ne vient plus. OK, elle ne vient plus, personne. Bon. Là, vous raccrochez. Puis là, en dedans, il se passe des choses. Celui qui a de la volonté, là, il met de l'ordre là-dedans tout de suite. C'est pas un être inhumain, un être animatif dans le sens robotique, etc. C'est un être qui est capable d'avoir, de laisser vivre l'émotivité qui, c'est pas de l'émotivité, c'est du sentiment en réalité, mais de laisser vivre donc l'émotivité qui va le nourrir, c'est le sentiment, parce que l'émotion c'est de la mémoire de sentiment très souvent, et qui va interdire l'expression corporelle de ce qui ne lui sert à rien. Bon, lui il a ta volonté. Tu veux faire l'amour, ta femme n'est pas là. Ben, tu veux qu'il fasse l'amour. C'est réglé. Mais l'homme qui voulait faire l'amour, sa femme n'est pas là, il va faire l'amour tout seul. Ou avec la télévision, ou avec un livre, quelque chose. Bon, souvent. Sous la rue. Sous la douche, moi. Ben, sous la rue. Ah, les techniques de l'apparemment que ça prend de la glace, ça fait quelque chose de bien, mais même toi. C'est de la volonté. J'ai de la volonté, j'ai pris de la glace. De la volonté. L'être humain. Au départ, ce qu'il faut que l'humain fasse, c'est pas de la volonté, c'est de prendre son corps et de le bouger, que ce ne sera pas facile. Mais vous devez simplement découvrir que vous êtes le jouet d'une manipulation. Puis là, la question, oui, mais qui me manipule? Si vous recevez une flèche empoisonnée, vous allez vouloir qu'on vous guérisse ou vous allez vouloir qu'on pogne le gars qui vous l'a tiré? Bien, c'est pratique, pogner le gars, il te le lancera pas une autre fois. Ouais, tu es mort, par exemple, il te la lancera pas de façon de même sur le pogne pas. Non, mais en premier, tu sais, tu commences par sauver la. Exact. Alors, si c'est en premier, tu commences par t'intéresser à toi plutôt qu'au gars qui t'a lancé la flèche, là, bien, c'est ce qu'on doit faire aussi tout le temps. Qui me manipule? Quand t'es manipulé pour l'instant? Lâche-le qui? On va te manipuler pour que tu le trouves jamais. Pendant des milliers d'années, c'était la faute des autres, ça allait mal. On a tout fait pour le changer, ça n'a jamais rien donné. Alors, on a inversé le rôle. Pendant le reste des milliers d'années, c'était notre faute à nous autres, ça allait mal. Il fallait qu'on se change pour que le monde change. Le coupable n'est pas dans l'homme. Fait que c'est pas le voisin, puis c'est pas moi. Bon, tu rentres, t'es en maudit, tu gueules, tu casses tout. Elle est manipulée, elle est charriée. Ah non, c'est une raison facile. Est-ce qu'elle est toujours comme ça? Non. Ben merde, si elle n'est pas toujours comme ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle est comme ça? C'est sa journée, c'est son humeur, c'est je ne sais pas, elle est menstruée. Juste les menstruations, qu'est-ce que c'est? C'est pas, la femme se met à sécréter beaucoup plus d'hormones à certains rythmes. Les hormones, on a déjà vu à travers différentes conférences, des séminaires surtout, c'est peut-être un petit peu avancé. Les hormones, c'est ce qui permet l'expression de l'âme, donc de la psychologie, de la mémoire, de l'émotion et du désir, dans le corps physique, pour obliger le corps physique à traduire ce qui se vit dans l'âme, parce que l'âme ne sait pas ce qu'elle vit. Puis l'âme l'exprime dans le corps, elle lit dans le corps physique et là, elle sait ce qu'elle vit. T'as pas peur, tu te mets à sécréter, puis à transpirer, puis le cœur se met à accélérer. Ben, tu commences à avoir peur, mais tu sais pas pourquoi. Parce que tu lis dans le corps. Lorsque la femme, elle est menstruée, il y a plus de sécrétion hormonale, donc le corps réagit plus, donc elle devient plus émotive, plus irritable, etc. Même affaire pour un jeune, vous jeûnez, vous maigrissez, vous êtes soupe au lait. Ben oui, parce qu'il y a un paquet de muscles qui collectionnent des hormones, le cerveau entre autres aussi. Mais quand les muscles, comme la graisse, ça est un grand ramasseur d'hormones. Quand la graisse fond, ça libère les hormones dans le sang. Et là, votre corps réagit, les émotions que vous avez réagies, que vous avez vécues à l'époque. Puis là, ben là, on ne se comprend plus. Mais on ne vit pas ça, le corps vit ça. Quand l'être humain est manipulé, ce que l'humain doit faire, puis il faut comprendre ce que c'est manipuler. Manipuler, ça veut dire que vous ne menez pas vos vies. Puis là, la question, oh, mais qui? C'est pas ça qui est important présentement. Oh, on va en parler à un moment donné, ou on en parle souvent, on en parle au séminaire surtout, uniquement pour amener de l'information, pour amener de l'énergie. Mais présentement, ça ne sert à rien de vouloir psychologiquement comprendre ces mécaniques-là. Parce que là, on devient des philosophes. Un philosophe qui n'applique pas. Puis ça, c'est pas bon. Parce que ça ne sert à rien de tout savoir si on ne l'applique pas. Bon, on devient des prêtres souvent. On se prête à bien des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, on doit observer qu'on veut faire puis qu'on ne fera pas. Si je veux faire puis que je ne ferai pas, bien, c'est que nécessairement, il y a quelque chose, il y a une dualité chez moi. On la connaît depuis le passé, ça, l'homme en parle depuis longtemps, la dualité. Mais la dualité a toujours été amenée comme un principe absolu, dans le sens un principe bon. Vous êtes yin et yang, vous avez un peu de yang, un peu de yin, etc. Puis c'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est un peu comme de dire, je vis dans une maison de paix avec un criminel, puis pour que la paix existe, il faut que le criminel reste là. Dans l'yang, il y a du yin, ce qui crée l'harmonie. Et ça, une fois que tu as observé ça, bon, tu t'en as parlé tout à l'heure, là, bon, le chemin, c'est de s'écœurer, Mais qu'est-ce qui se passe entre s'écœurer de s'écœurer et tout à coup, on commence à exprimer la volonté? Quand tu t'écœures suffisamment, ton ajusteur de pensée commence à être opérationnel. Je vais en parler dans une prochaine conférence. Mais l'écœurement, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'écœurement, pas la déprime. Mais c'est évident que spirituellement, philosophiquement, psychologiquement, pédagogiquement, on travaille contre l'écœurement. Puis l'humain n'a jamais appris à assumer son écœurement. La solitude, c'est intéressant aussi. Il faut que l'humain puisse assumer sa solitude. L'écœurement, c'est la même chose. Même socialement, ça va être dit de ne pas être écœuré, de ne pas s'écœurer. Oui, mais quand tu es écœuré de quelque chose, tu changes les choses. Prends par exemple les pays sous-développés qui crèvent de faim sans arrêt à cause des gouvernements militaires qui leur imposent des problèmes. Quand le peuple est suffisamment écœuré pour y être bien écœuré, qu'est-ce qui se passe? Bien, astralement, sur la planète Terre, ça mobilise du monde pour leur envoie ce qu'il faut pour qu'ils s'écœurent moins. Alors, ils ne feront jamais de guerre civile, ils ne feront jamais de révolution, ils ne se sortiront jamais de leurs problèmes. Tout ce qui va arriver, c'est qu'il y a la guerrière rose, la guerrière qui, elle, va renverser le régime parce que les guerriers roses trouvent que c'est injuste. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont rien, puis ils ont tout, puis aimeraient que ce soit l'inverse. Alors, c'est ce qu'ils font, puis là, ça s'en va, puis plus ça va. Un pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, par exemple, ça se définit par son régime militaire avec une guerrière. L'humain reste continuellement pris dans cette mécanique-là. À l'instant où l'humain commence à s'écœurer suffisamment, les choses se placent. Pas que c'est le cas, pas trop. Vous vous engueulez, vous vivez avec un conjoint, une conjointe, puis c'est le temps où ça ne va plus. Mais quand c'est réellement le temps, là, c'est bordel, parce qu'on n'est pas encore assez intelligent pour se séparer quand c'est le temps. On doit s'haïr, se séparer. Puis quand on s'haït assez, on est suffisamment écœuré. Pas de l'autre, de notre condition de vie. Parce que très souvent, c'est ce qu'on va vivre. Pas de l'autre comme s'écœurer. On s'écœurer de vivre ça. Là, on veut s'en aller. Puis là, ben là, il se passe de quoi, puis finalement, on va adoucir l'écœurement. Puis comment faire pour justement pas se faire avoir par ça? C'est de rester conscient de ça? Ben, il faut comprendre que l'écœurement, l'écœurement, par définition, c'est simplement l'accumulation d'une énergie motrice qu'on n'est pas capable de gérer. On n'a pas appris, on n'est pas habitué. Vu qu'on n'est pas capable de la gérer, on bouille d'énergie en dedans, on ne sait pas quoi faire avec ça. Puis chaque fois que ton ego, que toute ta structure psychologique voit que tu cumules de l'énergie, il est mal, parce que si tu en cumules trop, tu vas probablement finir par te libérer de lui. Alors, nécessairement, tout va se faire pour qu'on t'organise. Puis c'est ce qu'on fait. Quelqu'un travaille sur lui. La journée que vous commencez à vous prendre en main un petit peu, bien, c'est ceux qui vous entourent qui vont commencer à planter. De façon à ce qu'on voudrait un accident, il se drogue, il est en colère, il ne comprend pas, il rentre dans le sec, n'importe quoi. Continuellement. Les grands initiés puis les grands maîtres ont toujours été des êtres seuls, pas d'enfants, pas de femmes, pas de mari. Pourquoi? Parce que ça éliminait déjà une grande partie des attractions, enfin des agressions astrales. On ne peut pas venir m'écœurer. Sans ça, on kidnappe tes enfants, ta femme, ton mari, on ramasse tes parents, tout plein d'affaires. Il va être leucémique, il va être ceci, il va être cela pour te drainer une énergie là-dedans. Mais l'humain doit mettre fin à ce genre de conneries-là. Pour mettre fin à ce genre de conneries-là, l'humain doit commencer à se prendre en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être ce que vous êtes. Ne cherchez pas ce que vous êtes, c'est de la philosophie. Vous êtes. Mais à un moment donné, là, c'est stupide, telle chose. Mais faites-le pas. Pas capable. Vous allez voir. Au départ, c'est complexe. Au début, moi, ce que je sais que l'humain va pouvoir faire, ça va être de contempler d'une façon passive, effectivement, qui fait à peu près tout ce qu'il ne veut pas faire. Ça, c'est le début. Puis là, l'humain va dire, à un moment donné, oui, mais, tu sais, finalement, c'est déprimant, maudit. Mais non, j'ai rien changé aux conditions humaines. C'est pas parce qu'on voit clair subitement que c'est un problème. Ça me fait souvent penser à l'histoire de la Genèse, quand on explique que la femme a été punie, puis l'homme a été puni parce qu'il a bouffé une pomme. Bon, il a été puni pour le reste des générations. Puis là, Dieu leur a dit, maintenant, tu enfanteras dans la douleur. Puis toi, ben, tu devras gagner ton pain à la sueur de ton front. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme a toujours enfanté dans la douleur. Elle ne le savait pas, elle était anesthésiée. La journée qu'elle s'est réveillée de la conscience, elle s'est rendue compte comment elle était mal. C'est facile de dire, à partir de maintenant, je te punis, tu vas souffrir. Je trouve super. De dire à l'esclave, maintenant que tu es intelligent, là, tu es un esclave. Tout est esclave. Parce que maintenant qu'il sait, il dit avant qu'il le découvre. Et il pense qu'il est puni pour être esclave. Il est esclave parce qu'il a mal fait. Première chose à faire dans sa vie, c'est uniquement de faire. Les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions que vous avez prises, tout ce que vous devez faire pour être en santé physique, psychologique, vitale, tout ce que vous devez faire pour vous laisser être joyeux, joyeuse, la majorité sont organisées pour se punir, faites-le. Vous allez constater que vous ne pouvez pas le faire parce qu'on ne vous laissera pas le faire. Non seulement on vous laissera pas le faire à partir de chez vous, vous allez vous rendre compte que c'est puissant maudit parce que si vous commencez à pouvoir le faire, c'est les autres qui vont intervenir pour vous empêcher de le faire. J'arrête de fumer, ben regardez le tout arriver. Mais là, encore, une quinzième fois, c'est rien à faire. Puis quand on découvre et qu'on dit ça, on est tout près de débloquer son ajusteur de pensée et d'arriver à être capable d'ouvrir un canal pour nous permettre de descendre plus salaire. Là, on va être capable d'exécuter des choses. On va en parler tout ça dans la prochaine fois. On prend une pause.